La thématique des mathématiques, ça me donne des tics, mais pas autant que la politique. La métrique et l'arithmétique, à mes yeux, sont plus érotiques que les affres de la politique qui me donnent des tics. En politique, comme en cuisine, on veut se donner un air digne en se coiffant le chef d'une toque, et on fait de la politique en toque, avec trois fois rien de viatique, mais le mensonge comme rhétorique, ses intérêts pour seule éthique, on fait la chasse aux hérétiques. La politique de Platon, des plus communs de Mirliton, qui ont cassé la chose antique en pourrissant la République. La politique est si ancienne qu'elle a usé toutes les anciennes, qu'elle a joué sur tous les tons, il lui faudrait un téléthon, elle est fichue, et pas aimable. Elle a fini d'être estimable, les abus d'image d'Épinal ont fini par la rendre banale. Voilà pourquoi, moi, la thématique, les mathématiques, ça me donne des tics, mais pas autant que la politique.